Mon Christophe! Ah, mes amis, quelle soirée! J'ai un anniversaire de Zouzou. D'où Jésus, quel bordel! Je croyais que ça allait être tranquille, pépère, avec sa famille de footballeurs, de travelots et autres crèvent la faim. Eh ben, je me suis mis le casque à pointe dans l'œil. J'ai frappé à sa porte. Et quand il a ouvert, tout a basculé. Tout a basculé. Rassieds-toi, Helmut, vas-y, viens, rôde, mon amère. Je suis content de voir venir faire Zouzou. Allez, viens, je vais présenter les amis. Alors, lui, c'est José. Bonsoir. Lui, c'est Pao. Lui, c'est Natacha. Madame. Lui, c'est... Ah non, lui, je suis content. C'est pas Louis, c'est mon cousin salope. D'un seul coup, mon Christophe, tout s'est arrêté. J'étais pétrifié devant la cousine de Zouzou. Bonjour, madame salopa. Mademoiselle, pas madame, je suis libre. Comment toi, tout à pair? Je m'appelle Helmut. Tu vous baisers? Doucement, ma douce. Tu vas me faire divaguer avec de tels propos. Bah, moi, j'ai envie ton corps dans mon corps. En entier? Bah non, juste toi dans moi qui s'énerve, qui transpire. Oh, nom de Dieu, bordel de Bundestag. J'ai l'impression qu'il monte, salopa. Je sens que je vais avoir une attaque testiculaire. Tu viens avec moi dans la cuisine, je vais te montrer mes plaques chauffantes. Oh, mais j'arrive. Et là, je vous raconte pas mon cri-cri. Pendant 105 heures. Pas 104, ni 106, mais 105. On a fait. On a fait. Comme des méduses savoyardes. Au petit matin, je parlais portugais couramment. Enfin, tout le répertoire. Ça, là, en tout cas, celui que vous connaissez. Ah, je suis crevé, moi. Je vais aller me coucher et me mettre des compresses sur ma love machine. Allez, on regarde scène.